Regardez, regardez Philippe. Regardez Philippe. Vous êtes où, Jérôme? Alors, regardez, regardez. Formidable, Philippe. Mais je vous vois pas du tout, hein. Ah, pardon, c'est normal. Vous ne pouvez pas me voir, c'est même ça qui est génial. C'est ça le petit plus du CD, c'est qu'on ne voit rien. C'est génial. Alors du coup, on remplace, et c'est génial, l'image par le son. Écoutez, écoutez, écoutez. Éternel compagnon, oui. Toi par qui la déconnade déboule souvent dans cette émission? Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite surprisette pour faire plaisir à nos amis téléspectateurs? Effectivement, il y a une petite surprise, on vous en dit pas plus, on envoie tout de suite les images, c'est une petite pub autopromotionnelle. À des millions d'années bureuses de la Terre, un équipage, Zetoun, Panty, Syntaxerror, le mercenaire et le capitaine Lamar, dérivent toujours dans le cosmos à bord du Liberator. Leur objectif, nul. Je n'ai pas envie de faire de grandes phrases, ce n'est pas mon genre, vous le savez. Mes propos sont comme ma cuisine. Simple, riche, nourrissant. Je n'ai pas envie de vous prendre pour des imbéciles. Je n'ai pas envie de vous prendre... Avec du beurre? Non, mais avec de l'huile. Non, moi j'ai envie de vous mettre... Un doigt. Un doigt de compréhension, c'est tout ce que je demande. Et alors la vie sera rose. Si rose... Du foie, des boulettes, des rognons. Et quand je l'entends, je ris. Oh, je suis triste d'entendre. Mais ce n'est pas perdu. Non, non. Oui. Tenez, ma femme. Une morue. Et quand je vois ce que Zetoun veut faire... Zetoun. Je vomis. Syntaxerror, tout marche trop bien dans ce vaisseau. Essayez de trouver un moyen pour nous débarrasser de ce fantôme. Capitaine, capitaine, vous allez mourir. Voilà, c'est là que je dois merder, beau. Bien sûr. Dans Zetoun, vous croyez que c'est bien le moment? Allez, eh oh, moukraine à la clavius. Je les avais achetés il y a 6 mois, je les avais complètement oubliés. Dis, goûtez-moi ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Syntaxerror, mais qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Je sais pas. Je crois que j'ai... J'ai l'hélico, képalo, mes mémoires, un trou noir, les ch'targueurs, c'est du beurre, ma culasse qui s'encrasse, l'interface, très très lasse, mes circuits, ricuicui, la mornif, c'est pas le kiff, la batterie qui faiblit, le gicleur qui fait peur, et le bras qui est pas droit. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être un mutant patraque, ah mon Dieu que c'est ennuyeux d'être un robot foireux. Eh oui, consternante constatation, une fois de plus, ce qui gouvernait l'univers, c'était bien les brosoufs. Salut les petits clous! Première entrée de la semaine dans ce top, Jean-Pierre Coff avec un tout nouveau 45 tours. On nous dit de mon temps, le bonheur était autre. On aimait bien les autres, on prenait tout son temps. Ah, bravo, dis donc! Le comédien Antoine Decaune nous arrive avec un remake des Parapluies de Cherbourg. Né sous le signe des Gémeaux. Oh. D'aussi la seule famille. Bon. La meilleure entrée de la semaine, Giz the Killer Bear and Alan Destroy Chabat, Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We gonna rock, rock. the rock tonight, for the golf runs on, and the yogurt in spring. C'est ça. Désolé, mais le gadin de la semaine, c'est Michael Denisot qui l'encaisse. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Allô, maman, vraiment bobo, c'est donc le gadin de la semaine, Michel Denisot. Nous allons terminer l'émission avec le numéro 1 de la semaine, la plus forte vente de 45 tours en France. Ça fait déjà un bout de temps que ça dure, car ce 45 tours a été enregistré au mois de juin 1985. Voici les petits clous, les chanteurs sans parc-mètre. Ils étaient tous là pour soutenir Coluche, alors victime du zèle d'un contractuel. C'était au mois de juin 1985 et c'est toujours numéro 1 du top du bêtisier musical. Salut les petits clous. Je t'ai pas dit que j'avais été contacté par Christian Dior. Je t'avais pas dit ça. Ah non? Non, ils voudraient que je représente leur marque dans leur prochaine campagne de pub, là, des affichages. Quel honneur. Bah écoute, il paraît que je représente une certaine idée de l'élégance française liée à une nonchalante décontraction très 90s. Tu t'entends parler des fois, Yvan? Non, mais attends. Tu te rends compte à quel point t'es prétentieux? Mais je te répète mot pour mot ce que m'a dit Gianfranco Ferré hier soir. Le patron de chez Dior? Bah bien sûr. Ouais. T'es pas jaloux des fois? Moi jaloux jaloux de ça. Ouais. Non mais attends, tu rigoles. D'autant plus que moi aussi j'ai été contacté par un grand groupe industriel. Ah ouais? Ouais, ils veulent mon image aussi. Bah écoute, c'est parfait, c'est qui? C'est Bolino. Ils vont lancer un nouveau produit à base de d'andouilles farcies au chou et ouais. Au contraire, je sais plus, ils ont tout de suite pensé à moi. Et t'es tout seul sur ce coup-là? Non, je suis avec Yvan Rebroff et la gaffe. Oula! Mais t'as pas signé? C'est-à-dire que ça me fait un peu chier de cracher sur 3000 francs, quoi, ça fait pêcheur, non? Nice. Dans ce cas-là, je peux vous proposer Bugs Bunny, voilà. Très bien, j'achète, c'est le nouveau chef de la télé. Sans sas! Allô? Oh, bonjour, c'est Bugs Bunny. Payez, c'est qui là? Oui, je viens de l'apprendre, oui, merci, c'est Bugs Bunny, effectivement. Mais c'est qui? Au revoir, monsieur Bugs Bunny. C'était Bugs Bunny. Ah? Tu sais qu'il est gentil, il nous demande de trouver des idées pour des émissions pour les jeunes. Moi, j'y vais, moi. Tiens, Dana, t'as une lettre. Ah, merci, Belkacem. Tu viens jouer maintenant? Bah non, je peux pas, c'est pas cool, mais je dois travailler là maintenant. Ah bon, tant pis, salut, Dana. Et Payet, et Marilyn a dit qu'elle sait ce qu'il faut faire comme émission pour les jeunes. Elle a dit qu'il faut faire une chanson, que c'est ça la bonne idée. Je vais tout laisser tomber, le vélo, la marche d'un pied. Je vais claquer tout mon fric, je roulerai dans une grosse cuique. Je vais m'épiler, je vais mettre un os dans le nez. Je vais plus faire les poubelles, ça c'est sûr. Ce soir, je serai la plus belle. Oui, madame. Pour pas me scléroser, je danse le baboulé. Pour éviter le cerf, je danserai comme Fred Astaire. Fini le canca. Je me saoule au chocolat. Je vais plus faire la vaisselle, ça c'est sûr. Ce soir, je serai la plus belle. Je veux quand même, je veux le monde à mes pieds. Les voisins, ça va les faire râler. Je veux que les filles envahissent ma cambuse. Je leur fais compte du docteur Mabuse. Je veux devenir branché, manger du verre pilé. Un poignet d'en et d'une, le soir, au clair de lune. Je serai une star. J'ai mis mon beau costard. J'ai verni mes bretelles, ça c'est sûr. Ce soir, je serai la plus bonne. Bravo, bravo, bravo! Merci, et tout de suite, Oscar du meilleur lapin-chef de la télé. Mesdames, messieurs, j'ai nommé Bugs Bunny. Alors, ça me dégoûte. Bravo, Bug, vous avez quelqu'un à remercier. Non, personne, non. Non, et surtout pas Valérie Payet, ni Philippe Tanner. Ils sont du genre à dire que tout est bien qui finit bien. Bah, tu vois, Payet, moi, je dirais bien, tout est bien qui finit bien. Ouais, mais tu vas pas le dire, ok? Bah, d'accord, je le dis pas, mais alors on s'embrasse sur la bouche. Ouais, bah alors dis-le, hein. Je la verrais bien en slip de bain.